Ouvre ton manuel à la page 188. Quelqu'un a volé le gâteau de Madame Delphine. Il est 15h10. L'inspecteur Lucas Géduflair entre dans la cuisine. La chef cuisinière, Madame Delphine, lui a demandé de l'aider à résoudre l'affaire. Ce matin, Madame Delphine avait laissé un gâteau sur le comptoir pour aller parler à une cliente dans la salle à manger. Pendant ce temps, quelqu'un a volé le gâteau. Madame Delphine est furieuse. À la demande de l'inspecteur Duflair, Madame Delphine rassemble les employés du restaurant. L'inspecteur apprend que 3 personnes avaient accès à la cuisine durant la matinée. Il y a Constance, la serveuse, Philippe, le laveur de vaisselle, et Sabina, l'aide cuisinière. L'inspecteur Duflair commence à poser des questions aux suspects. « Madame Constance, » demande l'inspecteur Duflair, « où étiez-vous dans la matinée ?»« J'étais dans la salle à manger, » répond la serveuse d'un ton sec. « Vous savez, monsieur l'inspecteur, dans un restaurant, les clients ne sont pas dans la cuisine. » « Comprenez bien, Madame Constance, que je tente simplement de résoudre cette affaire le plus rapidement possible, » explique l'inspecteur Duflair. « Et vous, monsieur Philippe, où étiez-vous ce matin ?»« Moi, je viens d'arriver au restaurant. J'étais en retard ce matin. Je devais conduire un ami à son travail et la circulation était difficile. De toute façon, je déteste le gâteau au chocolat. Ça me donne mal à la tête. » Sabina, l'aide cuisinière, prend la parole avant même que l'inspecteur Duflair lui pose une question. « Moi, j'étais à ma pause du matin. Je mangeais ma collation dans ma voiture. Je n'ai rien vu. » « Inutile de continuer l'enquête, » affirme l'inspecteur Duflair. « Monsieur Philippe, où avez-vous caché le gâteau ?»« J'espère que vous avez des preuves, » répond Philippe. « Rien de plus simple, monsieur, » répond l'inspecteur Duflair. « Vous êtes le seul suspect à savoir qu'il s'agissait d'un gâteau au chocolat. »